Chapitre 3e. Un après-midi, vers le soir, comme je me trouvais dans mon bureau, le garçon vint me prévenir qu'un enfant d'une dizaine d'années environ demandait à me parler. Il était vêtu comme un fils d'ouvrier et tout poussiéreux. Assez surpris, car je ne connaissais aucun enfant de cet âge, je demandai néanmoins d'introduire mon petit visiteur. Il avait l'air très déluré, avec de grands yeux intelligents. « C'est bien moi que tu voulais voir, mon petit ?»« Oui, monsieur. » « Tu me connais donc ?»« Je vous connais bien de nom, monsieur. » »« Papa vous aime beaucoup. Il nous lit souvent vos articles, à maman et moi. Et alors je suis venu vous trouver parce que j'ai pensé que ce que j'avais entendu pouvait vous intéresser au sujet de la femme disparue. »« La femme disparue ?»« Oui, je l'ai lu dans le journal. » J'étais devenu extrêmement pâle. « Parle ! » m'écriai-je. « Parle, mon petit. Dis-moi ce que tu sais. »« Oui, monsieur. » Alors l'enfant me raconta que, se trouvant à jouer cet après-midi avec des camarades dans le parc Montsouris, comme il était caché dans un massif, il avait entendu des plaintes semblant venir de dessous terre. Je ne pus retenir un cri tant mon émotion était devenue vive. « Des plaintes ?»« Oui, monsieur. » « Tu ne t'es pas trompé ?»« Oh non, monsieur. Car comme je n'étais pas très sûr, je me suis couché. J'ai collé mon oreille contre la terre et j'ai entendu très distinctement comme des gémissements. » Alors j'ai pensé que c'était peut-être la dame et je suis venu vous prévenir. J'arrêtai le gamin d'un geste, j'en savais assez. J'étais déjà debout. J'avais saisi mon chapeau, ma canne, j'avais la fièvre. « Tu peux me conduire à l'endroit où tu as entendu ces plaintes ?»« Oui, monsieur, partons. » Je descendis avec le garçonnet, ailai une auto, et 20 minutes après nous étions à l'entrée du parc Montsouris. La nuit tombait. Les derniers promeneurs, les derniers enfants quittaient le square. Une brume légère descendait sur les massifs, les enveloppant déjà d'obscurité. L'enfant me guidait à travers les sentiers déserts. Il s'arrêta soudain devant une touffe assez épaisse d'arbustes vivaces. « C'est là que j'étais caché, » me dit-il. Nous entrâmes dans le massif. Le gamin se jeta contre le sol, écouta. Puis il dressa la tête, étonné et déçu. « Je n'entends plus rien. »« Pourtant, » ajouta-t-il, « c'est là que j'étais. Écoute encore. » Le petit se baissa de nouveau. Moi, j'étais tout frémissant. Si c'était vrai pourtant, si l'enfant ne s'était pas trompé, peut-être. Je n'osais pas me laisser aller aux pensées, aux espoirs fous qui me venaient. Quelques minutes se passèrent. Elles me parurent très longues. Dans le parc où venait mourir maintenant le grondement de Paris, le bruit des autobus et des tramways régnait à un profond silence. Tout à coup, l'enfant se dressa. Il était très pâle. « Voilà que ça reprend, monsieur !» « Tu as entendu ?»« Oui, monsieur. » « Des plaintes ?»« Oui, monsieur, très distinctement. » Je me couchais sur le sol à mon tour, je collais mon oreille à la terre, et j'écoutais. Avec quelle émotion, je ne pourrais le dire. Je ne perçus rien, tout d'abord. Puis, bientôt, une plainte très faible, à peine perceptible, arriva jusqu'à moi. Et mon cœur se mit à battre avec une violence extrême. Il me semblait que je n'avais plus une goutte de sang dans les veines. Qui donc gémissait ainsi, si loin sous la terre que l'on eût dit que la voix s'échappait des profondeurs d'une tombe? Quelle était la malheureuse à qui ses souffrances arrachaient de tels sanglots? Je tremblais à la pensée que ce pouvait être Raymonde, et je me demandais, si c'était elle, comment je pourrais la délivrer, comment je parviendrais jusqu'à elle. J'étais dans un état d'affolement complet. « Il y a sûrement là quelqu'un qui souffre, » dis-je au gamin, « mais comment pénétrer à l'endroit où se trouve cette personne ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Il n'y a pas un souterrain par ici? Les caves des maisons voisines ne vont pas jusque-là? Je ne sais pas, monsieur. Les égouts, peut-être? Tu n'as pas entendu dire dans le quartier qu'il y avait par ici des excavations souterraines? Non, monsieur. Mais il faut que je rentre, monsieur. Maman serait inquiète. Oui, va, mon petit, je vais m'occuper de ça. Mais se trouve que j'ai bien fait de le prévenir? Oui, oui, va, je te remercie et je te récompenserai bien. L'enfant s'en alla. Je demeurai seul. Mais je ne pouvais pas m'arracher à cet endroit, où la voix que j'avais entendue était peut-être celle de ma Raymonde. Je me couchai encore sur le sol. J'écoutais de nouveau, mais je n'entendis plus rien. Alors je pris le parti de rentrer et de prévenir Riquet, qui peut-être connaissait le quartier et pourrait m'aider dans mes recherches. Je lui envoyai un petit bleu pour lui dire de venir me trouver sans retard au journal, où je l'attendrais. Il s'agissait d'une chose importante et urgente. Il était près de 10 heures du soir quand le policier fut introduit dans mon bureau. Ma fièvre n'avait fait qu'augmenter. J'avais des alternatives de confiance et de désespoir qui m'affolaient. Tantôt, j'étais certain que c'était Raymond que j'avais entendu. Raymond gémissait, enfermé je ne savais où, dans une sorte de tombeau, et j'avais peur d'arriver trop tard. J'avais peur qu'elle eût succombé avant que je puisse arriver jusqu'à elle. Puis je me disais que c'était fou. Ce n'était sûrement pas Raymond. Pourquoi serait-ce Raymond? Je n'étais même plus certain d'avoir entendu des plaintes. C'était sans doute un bruit quelconque, le gémissement du vent dans quelque fente souterraine. Je n'avais pas eu le courage de rentrer chez moi. J'y aurais trop souffert. Je m'en allais dîner au restaurant. Mais il me fut impossible de manger. J'étais trop bouleversé. Et j'étais impatient de voir Riquet. S'il allait venir pendant que je serais absent? J'avais bien recommandé au garçon d'accourir me prévenir dès son arrivée. Mais ce serait quelques minutes perdues, et je ne tenais pas en place. Je rentrai le plus vite possible au journal. Mais là encore, il me fallut attendre. L'agent ne paraissait pas. Peut-être mon pneumatique ne l'avait-il pas touché. Peut-être ne le recevrait-il que le lendemain matin. Quelle nuit j'allais passer! J'en frémissais à l'avance. Et pourtant, je ne pouvais rien entreprendre tout seul. Où m'adresser? Qui interroger? J'avais besoin de parler à quelqu'un, de faire part à quelqu'un de mes angoisses, de mes espérances, insensées peut-être, et je ne pouvais m'entretenir de tout cela qu'avec Riquet, car lui seul était dans la confidence de mes intimes souffrances. Au journal, naturellement, on connaissait la catastrophe qui s'était abattue sur moi et avait fait de mon existence, que j'avais espéré devoir être si heureuse, illuminée par l'affection d'une femme ardemment aimée, un véritable martyr. Mais déjà, on pensait à autre chose. Le malheur des autres est si vite oublié. Quelques inconscients allaient même jusqu'à me plaisanter de mon air sombre. Je m'efforçais de sourire pour cacher mon état d'âme, mais mon sourire ressemblait plutôt à une grimace. Et il y avait de l'amertume sous chacune de mes paroles. Ce soin que je devais prendre de cacher mes souffrances, mes sentiments, rendait encore plus pénible ma situation, déjà si pénible cependant. À plusieurs reprises, j'avais demandé au garçon si on n'était pas venu me chercher. Il n'avait vu personne. Les bureaux du journal étaient vides à cette heure. Il ne s'y trouvait que moi et le garçon. Je ne pouvais pas rester enfermé dans mon cabinet, tant mon impatience était vive. Écrire, lire, m'eût été impossible. Je passais mon temps à errer dans les couloirs comme une âme en peine. Enfin, la porte s'ouvrit. J'entendis une voix que je reconnus et dont le son me fit tressaillir. C'était Riquet.